Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 21 février, nous souhaitons une bonne fête au Pierre Damien. C'est un homme inquiet et s'il ne faut pas exagérer cette tendance, elle conditionne néanmoins de façon très perceptible son caractère. Comme son animal totem, l'antilope, Pierre Damien est toujours tendu, craintif et prêt à fuir. Malgré tout, il est quelqu'un d'équilibré qui a les pieds sur terre. Il est introverti et a tendance à se replier sur lui-même, à voir le monde extérieur uniquement d'après l'image qu'il s'en fait. Il a une vision totalement subjective de la vie. Il est souvent indécis, manque de confiance en lui et peut-être très timide. Pierre Damien doit se confronter à la réalité et l'affronter sans crainte. Il n'aime pas les situations ambiguës ou douteuses. Il possède une moralité de forte intensité, bien plus induite par la crainte que par de réelles croyances. Il attend de l'autre une franchise, une honnêteté qu'il s'applique à lui-même. Il possède un véritable don de clairvoyance, de prescience qui lui rend bien service et lui permet d'avoir tous ses sens en alerte. Il possède un remarquable pouvoir de séduction et une très forte imagination envahissante qu'il faut qu'il domine. Dicton du jour, à la Saint-Pierre Damien, l'hiver reprend ou s'éteint. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale de la langue maternelle proclamée par la Conférence Générale de l'UNESCO en 99 est marqué depuis 2000. Et à l'île de la Barbade, c'est la journée de Rihanna qui honore depuis 2008 la chanteuse originaire de la Barbade le lendemain de son anniversaire. Et dans les événements qui se sont déroulés un 21 février en 1838, Samuel Morse présentait son télégraphe électrique devant le président américain Martin Van Buren. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Mary Chapin Carpenter et son titre I Feel Lucky. Well, I woke up this morning, stumbled out of my rack. I opened up the paper to the page in the back. It only took a minute for my finger to find my daily dose of destiny. Stacked against you, girl, get back in bed. I feel lucky. I feel lucky, yeah. No Professor Doom gonna stand in my way. I feel lucky today. Well, I strolled down to the corner, gave my number to the clerk. The pot's 11 million, so I called in sick to work. I bought a pack of Camels, a burrito, and a Parks. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began to moan. I heard a voice above me saying, girl, you better get back home. But I feel lucky. I feel lucky today. Now 11 million later, I was sitting at the bar. I bought the house a double and the waitress a new car. Twice Yoakum's in the corner trying to catch my eye. Lyle Love is right beside me with his hand upon my thigh. Moral of the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky. Oh, oh, oh, I feel lucky. I feel lucky today. I feel lucky, Mary Chapin Carpenter sur RGM. Allez, il est un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 21 février 1937, naissance d'Harald V, roi de Norvège depuis le 17 janvier 1991. 1943, naissance de Danielle Evnoux, comédienne française, vue au cinéma dans Ma femme s'appelle Maurice, connue pour son rôle de Marie Lorieux, dite Marie Pervenche, dans la série Marie Pervenche, vue également dans H, Nos chers voisins ou encore Commissaire Magellan. 1946, naissance de Tyne Daly, actrice américaine, vue dans Spider-Man Homecoming dans le rôle d'Anne-Marie Oag, la série télé Cagney et Lassie dans le rôle du détective Marybeth Lassie, ou encore dans quelques épisodes de Grey's Anatomy dans le rôle de Madame Shepherd. C'est également l'année de naissance d'Anthony Daniels, acteur britannique, connu pour son rôle de C-3PO dans la saga des Star Wars. 1953, naissance de William L. Peterson, acteur américain, vu au cinéma dans Le Sixième Sens dans le rôle de Will Graham, dans Young Guns 2, mais surtout connu pour son rôle de Gil Grissom dans la série télé Les Experts. 1955, naissance de Jean-Jacques Perroni, humoriste français. C'est également l'année de naissance de Kelsey Grammer, acteur américain, vu dans X-Men l'affrontement final dans le rôle de Hank McCoy, alias Le Fauve, Expendables 3, unité spéciale dans le rôle de Bonaparte, ou encore Transformers, l'âge de l'extinction. 1958, naissance de Mary Chapin Carpenter, chanteuse de musique country américaine. C'est également l'année de naissance de Jack Coleman, acteur américain, vu dans la série télé Dynasty dans le rôle de Stephen Carrington, Heroes dans le rôle de Noé Bennett, The Office, Esprit criminel, Vampire Diaries dans quelques épisodes où il incarnait le rôle de Bill Forbes, Castle, Scandal ou encore Chicago Police Department. 1960, naissance de Laurent Petit-Guillaume, animateur télé et radio français. 1961, naissance de Christopher Atkins, acteur américain, connu pour son rôle de Richard dans le film Le Lagon Bleu. 1963, naissance de William Baldwin, acteur américain, vu dans Né un 4 juillet, la série télé Dirty Sexy Money dans le rôle de Patrick Darling, quatrième du nom, Gossip Girl dans le rôle de William Vander Woodson, le père de Serena, et vu également dans Hawaii 5-0. 1972, naissance d'Audrey Pulvar, journaliste présentatrice d'émissions télé françaises. 1979, naissance de Nathalie Dechy, ancienne joueuse de tennis française ayant fait carrière de 1994 à 2009. En simple, elle a été numéro 11 mondiale en 2006, demi-finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et 16e de finaliste à Roland-Garros. En double, elle a été 8e mondiale en 2004. Et elle a gagné deux fois l'US Open, elle a été demi-finaliste à l'Open d'Australie, Wimbledon, quart de finaliste à Roland-Garros. À noter qu'en double mixte, elle a remporté une fois Roland-Garros. Et avec l'équipe de France en Fed Cup, elle a été finaliste en 2004 et 2005. C'est également l'année de naissance de Jennifer Love Hewitt, actrice américaine, vue dans Sister Act 2 dans le rôle de Margaret. Souviens-toi, l'été dernier, 1 et 2 dans le rôle de Julie James. Garfield, 1 et 2 dans le rôle de Liz. La série télé La Vie à 5 dans le rôle de Sarah Reeves. Ghost Whisperer dans le rôle de Melinda Gordon, The Client List dans le rôle de Riley Parks, Esprit criminel dans la saison 10 dans le rôle de Kate Callahan, et depuis 2018 elle joue dans la série 911 qui va bientôt arriver en France, le rôle de Maddie Kendall. 1980, naissance de Tiziano Ferro, chanteur italien. 1983, naissance de Mélanie Laurent, actrice française, vue dans Embrasser qui vous voudrez, De battre mon cœur s'est arrêté, Je vais bien, ne t'en fais pas, pas dans le rôle de Lily, récompensée par le César du meilleur espoir féminin. Indigène, Inglorious Basterds, dans les rôles de Shoshana Dreyfus et Manuel Mimieux. La Rafle, dans le rôle d'Annette Monod, réalisatrice du documentaire Demain, récompensée par le César du meilleur film documentaire. 1984, naissance d'Andrea Seppi, joueur de tennis italien, professionnel depuis 2002. Qui était 18e mondial en simple. En 2013, il a été 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, 16e de finaliste à l'US Open. En double, même s'il n'a jamais obtenu vraiment un très bon classement, il a tout de même été quart de finaliste à l'Open d'Australie, l'US Open et 8e de finaliste à Roland-Garros et Wimbledon. 1987, naissance d'Ashley Greene, actrice et mannequin américaine, connue pour son rôle d'Alice Cullen dans la saga Twilight et vue également dans le film LOL, version USA, dans le rôle d'Ashley. C'est également l'année de naissance d'Ellen Page, actrice canadienne, vue dans X-Men l'affrontement final et X-Men Days of Future Past dans le rôle de Kitty Pryde alias Shadowcat, vue également dans Inception dans le rôle d'Ariane, et elle interprète maintenant le rôle de Vanya Hargreaves dans la série The Umbrella Academy, série Netflix. 1989, naissance de Corbin Blue, acteur et chanteur américain, connu pour son rôle de Chad Danforth dans High School Musical 1, 2 et 3, vu à la télé dans The Good Wife, Blue Bloods, Franklin and Bash, Psycho Enquêteur malgré lui, Drop Dead Diva, Castle ou encore Chicago Med. 1996, naissance de Sophie Turner, actrice britannique, vue dans X-Men Apocalypse dans le rôle de Jean Grey, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans X-Men Dark Phoenix, film en post-production qui devrait sortir cette année. Et on la connaît aussi pour son rôle de Sansa Stark dans la série télé Game of Thrones. 1965, est décédé Malcolm X, prêcheur musulman afro-américain, orateur et militant des droits de l'homme. Et en 1977, décédé John Obley, cinéaste d'animation américain, directeur artistique sur Pinocchio, Fantasia ou encore Bambi. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec le chanteur Tiziano Ferro et son titre Perdono. Chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male. E di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Dire che sto male con te è un gioco, un misto tra tregua e rivoluzione. Credo sia una buona occasione, con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Qui l'inverno non ho una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia senza misura. Io senza di te non lo so. E la notte balla da sola. senza di te non ballerò. Capitano, batti le mura, che da solo non ce la farò. Perdona, su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Tiziano Ferro avec le titre Perdono sur le 107FM. Il est prêt et il est pile 8h46. On fait un point sur la météo. La météo. Eh bien aujourd'hui c'est une très belle journée ensoleillée qui nous attend, des températures comprises entre 0 et 2 degrés ce matin, entre 12 et 14 degrés pour cet après-midi. Vendredi sera une journée ensoleillée accompagnée tout de même de quelques nuages, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus pour vendredi après-midi, et samedi sera une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en match en retard de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-1 face à Montpellier. Bordeaux et Guingamp ont fait match nul, 0 partout. Du côté de la Ligue des Champions, Manchester City s'est imposé à Schalke 0-4 sur le score de 3-2. Et l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a pris l'avantage sur la Juventus de Turin de Blaise Matuidi et Cristiano Ronaldo en s'imposant 2-0. Ce soir, c'est de l'Europa League. Avec les matchs retour, hein, Rennes se déplace au Betis. Arsenal reçoit Bate et Chelsea reçoit Malmö. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Marseille. Carton plein pour les Français hier. La qualification de Barrère en 2-7 face à Vézeli, 7-6, 6-3. Hugo Humbert s'est qualifié en 2-7 face à Gulbis, 6-3, 7-6. Et Gilles Simon s'est imposé en 3-7 face à Gojovzik, 4-6, 6-4, 6-2. Aujourd'hui, Humbert affrontera Coric, Benoît Peur sera opposé à Goffin et Barrère à Stavkovski. À Delray Beach, Adrian Manarino s'est imposé en 2-7 face à Istomin, 6-2, 7-6. Il ne joue pas aujourd'hui. À Dubaï, élimination de Kristina Mladenovic après avoir éliminé la numéro 1 mondiale. Elle s'incline en 2-7 face à Suarez Navarro sur le score de 7-5, 7-5. Et à Budapest, Pauline Parmentier s'est qualifiée en 2-7 face à Smitkova, 6-1, 7-5. Elle ne joue pas aujourd'hui. Et on termine avec du biathlon et les championnats d'Europe. Hier, c'était l'épreuve de l'individu. Côté messieurs, à noter la victoire de Krasimir Aniev devant Tarjebø et un autre Norvégien, Stromsheim. Le premier français, c'est Aristide Bech qui s'est classé 31e. Ensuite, on a Martin Pereira-Botonnet, 32e. Emilien Claude, avec 5 fautes, termine 38e. Hugo Rivaille, lui, termine 59e. Et Martin Bourgeois, République, termine 81e. Et côté féminin, le sacre de la Suédoise Anna Heuberg. La première française, c'est Chloé Chevalier qui s'est classée 7e, juste devant une autre française, Chauveau, 8e. Myrtille Beg s'est classée 38e et Lou Jean Monod 40e. Et c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Corbin Blue et le titre Push It to the Limit. To the limit, limit. Cause we're in it to win it, in it to win it. Oh yeah. I realize that this is when my my heart is. Now is the time to finish what I started. Can't worry about what other people might say. It's who I am, gotta live my dream my own way. Work, work it harder, gotta take it farther. No holding back, you know we gotta do it right now. Be even better, work, work together. It's now or never, show 'em how we shine. We gotta push it, push it. That's right, gotta turn it up. That's the way we do it now. No time to stop, the champions are in the house. Yeah, we can be winners cause we understand. Our destiny is right here in our hands. Work, work it harder, gotta take it farther. No holding back, we're reaching for the sky now. Be even better, work, work together. It's now or never, show 'em how. Eh bien, c'était Corbin Blue avec le titre Push It to the Limit sur RGM. Presque 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, on va faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. À 14h, ce sera Tanguy avec Clip Clap, on tourne. 16h, vous retrouverez Gilou avec Les Années Bonheur. 20h, Memento Mori. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit, déjà pour la dernière de la semaine. Excellente journée à tous. Bye bye.